Yeah. To all my bounce niggas. Bitches. Haha. Bounce bitches. Wait, wait. That bounce shit. Song, huh? Bounce shit. Wait. Rappeur militant, yeah. Parce qu'est-ce qu'on est, yeah. Balancera pour les têtes, rien pour les têtes. Mon hip hop en tête, au top des vendeurs, c'est des loups de et on s'en tête, journaliste à l'enquête. Sur flex, la réalité se militant, parti à la conquête. La case des architectes, vision mondiale nette. Et check, mec, on prend pas des tours, et c'est direct. Et si tu règles, assure-toi, ça pète. La base d'enfants, l'autodivision, part en mission. Rappeur militant, force de cause que les pop. Et moi, je sais pas ce qu'ils en pensent, mais les fantômes, c'est toi. Et si je pense que tout ça va sauter, si je peux te faire vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Toujours les mêmes qui font la sale besogne, toujours les mêmes qui souffrent, et ça cogne dur. Dis-moi vraiment qui a le cœur pur. C'est normal qu'on ait peur pour notre futur. On se veut militant pour l'éponissement de cette culture. Plaque et fier, debout, les architectes répondront bon pour tout. Et c'est tant pis pour tous ces jaloux. Oublie pas ce que je te dis, oublie pas. C'est le rap, y'a rien de jig ici. Et rappeur militant, si on est là-dedans, confiance 100%, vigilance, il n'y a pas le temps. Et tout voir sûrement, mais honnêtement, si on veut ça, c'est quand on y a pas le choix d'être franc et puissant. Et rappeur militant, si on est là-dedans, confiance 100%, vigilance, il n'y a pas le temps. Et tout voir sûrement, mais honnêtement, si on veut ça, c'est dans le fond, y a pas le choix d'être franc. Et le plan, l'entreprise, la famille, les potos, du bon matos, pour ça passe, mec, trois casse tout. Ni sa mère au colo, c'est les craignos qui jalousent. Et blabla comme des mères en alou. Des douces blouses qui me manquent et rendent l'esprit. Paye le prix, la vie d'M6 c'est tout compris. Et ce rap que je chie, je pointe, je prouve. Et sur ta route tu me retrouveras. Et cette envie qu'on a de gueuler parfois. Et qui vivra, verra, qui verra, dira. Et qui dira, saura. Inch'Allah on s'en sortira. Tous sur le même bateau, sur le même radeau. Suivant les mêmes méthodes, tenant les mêmes propos. Militant pour un autre discours. Faut que ça bouge mon gars. Ça change mon gars, c'est comme main d'en bas. Les architectes sont le magistrat. Mon gars. Rappeur militant, et rappeur militant. Si on est là-dedans, confiance 100%, vigilance, c'est qu'y'a pas le temps. Écoute voir sûrement, mais honnêtement, si on fait ça, c'est dans le fond, y'a pas le choix d'être franc et puissant. Rappeur militant, si on est là-dedans, confiance 100%, vigilance, c'est qu'y'a pas le temps. Écoute voir sûrement, mais honnêtement, si on fait ça, c'est dans le fond, y'a pas le choix d'être franc et pas le choix d'être franc. Yeah, tu sais ce que je veux dire. Vous devez être des rappeurs militants. Parce que c'est ça qu'on vit. C'est ça qu'on chie, you know what I'm saying? On reste comme ça. Vrai shit, vrai tête. Ouais. Sans doute. Yeah.